de plus fumer, tranquillement sa clope. Dans les bars le soir, la bière dans sa chope. Faire des volutes devant une flûte, c'est le ministère qui l'a déclaré. C'est pour notre santé. Conduire sa vieille voiture, les cheveux au vent à très vive allure. Tu te fais flasher, l'amende à payer, c'est le ministère qui l'a déclaré. C'est pour notre santé. Tu passais son temps à rêver, mener grande vie sans se fatiguer. Faut travailler plus, c'est pour gagner plus, c'est le président qui l'a déclaré. C'est pour notre santé. Prétendre un monde sans guerre, les risques de radiation nucléaire. Faire des abris, question de survie, c'est le ministère qui l'a déclaré. C'est pour notre santé. Plus aimer sans se protéger, c'est te prendre l'envie de libertiner. Mettre un condom quand on est un homme, c'est le ministère qui l'a déclaré. C'est pour notre santé.